culture, Ostros. Mais non. Allons, voyons. Avouez donc, un drame passionnel. Les jurés sont très indulgents pour ce genre de choses. Mais non, mais croyez-moi. Ah, je ne peux plus vous croire, vous avez menti tout à l'heure. Un tout petit peu. Allons, voyons. Enfin, vous prenez les jurés pour des imbéciles? Ce bonhomme qui passe comme ça tranquillement, qui tire dans le couloir et qui s'en va? Mais je vous jure que c'est vrai. Dans la tête de votre père? Pauvre papa. Vous avez reconnu cet autre homme? Celui qui a tiré mes dents, c'était une ombre vague. Un adversaire politique d'Ostos, peut-être? Allons donc. Ou celui avec lequel il s'était battu au couteau, là? Victor, pensez-vous, il s'était devenu très copain? Qui avait la clé de votre chambre? Personne, même pas Miguel. Même pas votre nouvel amant? Ah ben non, je suis pas une vertu, vous me l'avez assez dit, mais j'aime bien savoir qui rentre chez moi. Alors, comment cet homme a-t-il pu ouvrir la porte? Je sais pas. Il y avait un passe-passe, sans doute? Je sais pas. Vous n'avez rien entendu? Enfin, c'est tout ce que vous avez imaginé. Un gamin de 10 ans aurait trouvé mieux. N'allez donc jamais au cinéma. Rarement, mais j'ai vu Ben Hur. Moi aussi. Oui, bah moi aussi. Bon, voilà. N'avez-vous pas reçu d'autres visites ce soir-là? Je m'en souviens plus, moi je sais pas quoi vous dire. Avez-vous reçu une autre visite ce soir-là? Je vous demande la vérité, tout simplement. Mais la vérité, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Moi je vous dis ce que je sais, ce que je suis sûre de savoir, est-ce que c'est la vérité? La vérité, Joséphine Lantenay. C'est que vous êtes coupable. Ah, vous recommencez? Vous avez deux autos, c'est certain. Mais non, ni comme ça, ni autrement, quelqu'un a ouvert la porte. Bah, comme c'est naturel. Croyez pas plutôt que vous avez essayé, je sais pas moi, de paralyser autos. Vous avez peut-être commis cet acte sans vouloir. Quoi? Bah, je sais pas moi, par exemple, bon, bah, il allait sortir un revolver. Vous, vous êtes jeté sur lui, et puis pendant la lutte, bah, la balle est sortie toute seule. Excusez-moi, mais ça, c'est bien de vous, ça. Quoi? Bah, pourquoi Miguel aurait-il brandi un revolver dans l'autre chambre? Non mais écoutez, nous n'avons pas de revolver, ni l'un ni l'autre. Miguel, il parlait de tuer mon amant avec sa Navara. Il y a quand même très peu de Navara qui font pompon. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? À cause de la déposition de la cuisinière. C'est non, registre, vous n'avez donc pas tué par accident? Non. Eh bien, vous faites bien de ne pas adopter ce système de défense. Mais c'est pas le mien. Parce que la balle n'a pas été tirée à bout portant, comme dans une lutte, mais d'au moins 3 mètres. Et ben de la porte, c'est ce que je vous dis. D'au moins 3 mètres, mais par vous. Mais c'est une idée fixe, hein. Mec, vous êtes évanoui. Et pourquoi est-ce que vous admettez ça plus que le reste? Mais parce que votre syncope a duré plus d'un quart d'heure, ainsi qu'en ont témoigné monsieur et madame Beaurobert. Dieu merci. Pour moi, vous avez eu le courage de tirer. Mais l'horreur de ce que vous avez fait vous a si profondément affecté, il a perdu connaissance. Le remords. À la bonne heure, les jurés en seront probablement touchés. Mais ils auront tort parce que je m'étais cogné contre le montant du lit, j'avais une bosse comme une alouette, c'était ça mon remords. Non, mon enfant, là vous faites exprès. Là. Mais exprès de quoi? Enfin, c'est pas possible, vous ne pouvez pas être stupide à ce point-là. Vous dites ça pour me taquiner, non? Bon, après tout, c'est votre problème. Enfin, je vous conseille de prendre un avocat. Bah, je suis innocente, j'ai pas besoin d'avocat. Écoutez, moi, je vous demande de prendre un avocat. Eh ben, j'en veux pas. Il faut, comprenez-moi, il faut prendre un avocat. Je vous répète que je suis innocente, je n'ai pas besoin d'avocat. Raison de plus, pour les coupables. Les juges suffisent. On m'a toujours dit le contraire. Votre cas est grave, très grave, beaucoup plus grave que vous ne le pensez. Allons. Pas simplement de vos contradictions, ni de vos mensonges, grand petit. Il y a contre moi un témoignage terrible, celui de Miguel Ostos. Il a parlé. Mais alors le pauvre, il n'est pas mort tout de suite? Non, malheureusement pour vous. Il a eu le temps de dire, et des témoins l'ont entendu, Josepha, pourquoi tu fais ça? Oh, il a cru que c'était moi. Oui, bon, c'est plus lui qui comprend. Alors, il a cru que c'était moi, pauvre Miguel. Il n'est pas le seul à l'avoir cru. Mais le pauvre, c'est pas possible. Bien, vous refusez toujours de prendre un avocat? Oui, je refuse. Voulez-vous lire votre déposition? Quoi, pour la justice, ça existe, du moins j'espère. Faut-il signer? Bah, il est préférable que vous lisiez avant, parce que j'ai pu commettre une erreur. L'erreur, c'est de m'arrêter, ou faut-il signer? Bah, ici, là, dessous les mots, persiste et signe. Stylo. Venez. Je persiste et signe. Merci. Ne me remerciez pas parce que vous faites une bêtise, parce que j'ai pas tué Miguel. Oui, mais non. Je ne l'ai pas tué. Mon amour pour l'autre, monsieur le juge, est assez grand pour mourir, peut-être, mais pas pour tuer. Oui, c'est possible. Vous pouvez reprendre votre mouchoir, là, c'est celui d'un sans-cœur, j'aurais honte de pleurer dedans. Tenez, emmenez là. C'est mon autre dépôt. Ah, vous me touchez pas en plus parce que je vous donne des coups de pied. Oh, monsieur le juge. Ah, dépouillez-vous. Je vous déteste. Je vous déteste! Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu! Bah, y a-t-il? Ah, c'est bien malin, il fallait que ça tombe sur moi, ça. Qu'y a-t-il, monsieur juge, qu'y a-t-il? Bah, y a que cette pauvre idiote est innocente, voilà. Oh, j'ai mal entendu, là. Innocente, je vous dis. Bah, pourquoi l'arrêter, alors? Mais pour qu'elle ait un avocat, quelqu'un qui consulte les dossiers, là, qui puisse l'aider, donc je vais dire toutes ces bêtises. Elle est innocente? Bah, oui, ça crève les yeux, mais. Bah, pas les miens. Et alors, moi, je vais au-devant d'une série d'emmerdements, mais épouvantables. Ça, j'en ai bien peur, oui. Surtout si le coupable. Nous sommes dans l'aurore ce matin, avec une belle photo de l'innocente. Hein. En première page? Non. En 13e, heureusement. Enfin, maintenant, il y a une affaire autre chose. Hein. Ouais. Ouais, bon, allez, tant pis. Allez, dites-moi, mon restant, tout à l'heure, quand je vous demanderai d'introduire un témoin, prenez votre temps. Ouais. Faudra que je prenne mon temps. Ben oui, rangez des choses sur votre bureau, piétinez, débrouillez-vous, quoi. Prenez votre temps. Entrez! Je sais bien que vous me détestez, mais sortez-moi de là, sortez-moi de ce trou, je dirai tout ce que je sais, mais je suis innocente, je ne veux pas rester en prison. C'est vous. Ah, je peux bien crever, ça glisse sur vous comme la pluie sur un canard. Ah oui, asseyez-vous, mademoiselle. Mademoiselle? C'est la première fois qu'on me dit ça? Bah non, c'est impossible. Mais si, au pays c'était Josépha ou alors tu. Château, c'était vous, ma fille. Jamais, mademoiselle. Merci, monsieur le juge. Mais bon, bah, allez, essayez. Mademoiselle, c'est joli, hein, surtout pour une prisonnière. Nous égarons encore. Et dans l'aurore, je suis la fille Lantenay, dont on n'a même pas été jusqu'à fille de joie. Comment, vous avez lu l'aurore? Je l'ai même là. Jetez un œil sur cette photo, c'est pas honteux. Comment vous êtes-vous procuré le journal? S'il m'a vu là-dessus, en 13e page, je ressemble à la mère Dragon, c'est bien simple, à 80 ans. Comment vous êtes-vous procuré ce journal? Le premier jour, on nous procure tout ce qu'on veut à la requête. Quoi? L'administration? Les autres filles. Mais ce soir, je change, je vais devoir payer d'une manière ou d'une autre. Vous êtes très difficile à interroger. Ah, pas aujourd'hui. Alors là, aujourd'hui, je serai très très sage, je dirai tout ce que je voudrais, mais je ne vais pas rester en prison. À la bonne heure. Alors, première question. Oh là là, monsieur le juge, est-ce que je peux enlever mon manteau? Parce que l'enfant crevait de froid, aujourd'hui, on est tout. Monsieur le juge, je peux peut-être ouvrir la fenêtre? Oui, s'il vous plaît, oui. Vous voyez? Je répète, première question, et la seule vraiment importante. Quel est le nom de votre amant? Miguel Hostos. Non, attendez, commencez pas à jouer des idiotes, hein? C'est là ce que vous appelez vos Francis. Je vous demande le nom de l'autre. Quel est le nom de votre amant? Vous voulez aller lire? Je vous garantis bien que je serai dans 5 minutes. Ça m'étonnerait. Alors, commençons. Que pensez-vous de vos patrons? Monsieur et Madame Bourvert? Oui, vous n'en avez pas eu d'autres. Bah, ils sont très gentils, et Madame surtout. Madame. Et pourtant, elle est belle, et élégante, et distinguée, pas malgré ça, jamais un mot plus haut que l'autre. Et si joli que ça. Oh là là, et comme nous disons à Espolette, elle est fraîche comme de la peinture. Ah, il veut dire très maquillée. Ah non, je veux dire très fraîche. Mmh. Avec des yeux, oh là là, des yeux, ils sont tellement brûlants que mon père, il dit qu'on pourrait y allumer sa pipe. Ah, non, bon, attends. Bah, c'est que c'est quelqu'un, madame, hein, parce que même cette garce de cuisinière, elle trouve que c'est de la super, alors. Et monsieur? Monsieur? Oui, monsieur, vous comprenez pas ma question? Ah bah, monsieur est très épatant aussi, nécessairement. C'est de la super, lui aussi? Bien sûr, oui. Enfin, peut-être un petit peu collémité. Notez, mon restant. Ah bah, je note, monsieur le juge, je note tout. Et bah, malgré ça, lui non plus, jamais un mot plus haut que l'autre, alors moi, je vais dire à monsieur un jour, mais c'est pas possible que vous soyez tellement content de moi. Hein. Et alors, qu'a-t-il répondu? Des trucs de patron. Vous n'aviez pas le même jour de sortie, Hostos, c'est vous? Bah non, moi j'avais le mercredi, puis lui le jeudi à cause du service. Au premier temps de votre liaison avec lui pendant plus d'une année, vous êtes sortis tous les mercredis au bal ou au cinéma? Tous les mercredis. Tous les mercredis, avec une amie ou seul, mais tous les mercredis. Bah c'est mon droit, non? En septembre, Miguel Hostos a fait ses vacances au Pays Basque et vous êtes resté au Trib. Parfaitement. En octobre, tout le monde est rentré à Paris et depuis, vous avez passé tous les mercredis dans votre chambre. Tous les mercredis? Tous les mercredis. Si bien Hostos a un adresse à jalousie, donc là je cite la déposition de la cuisinière, n'est-ce pas? Celle-là. Hostos disait à Josépha, tu vas t'étioler ma chérie. Tétiolé ? Bah attendez, Miguel ne connaissait même pas ce mot-là, hein, tétiolé. Introduisez le témoin à Beaurevert. Comment ? Monsieur va venir ? Je vais vous confronter tous les deux. Mais il n'a rien à voir dans l'affaire, hein. Bah, vous restez, qu'est-ce que vous attendez, là ? Tout de suite, monsieur le juge, tout de suite. Mais je suis horrible, le nez qui brille, les yeux jusqu'au milieu de la figure. Les surveillants qui m'ont pris la poudre, le rouge, tout, même ma petite écharpe blanche pour pas que je me pense et gourde alors. Je vous avais dit que je serais votre secrétaire en 5 minutes. Ben moi, je vais remettre mon manteau. Je vous méprise, monsieur le juge. Je vous méprise de tout mon cœur et moi, j'ai jamais dit ça personnellement. Vous voici, monsieur le juge. Madame, je vous répète que monsieur le juge vous entendra plus tard. Oui, ben vous avez mal... Madame, je vous en prie. Pas question de vous interroger mon mari en dehors de ma présence, n'est-ce pas, monsieur le juge? Il n'est question que de ça, madame. Que pouvez-vous avoir à lui dire que je ne puisse entendre? Alors, dans ce cabinet, madame, c'est moi qui pose des questions. Je vous prie de vous retirer. M'excusant, bien sûr. Vous entendez, Benjamin? J'entends, votre cher ami. Et c'est là toute votre réaction? Bon, évidemment, monsieur le juge pourrait être plus affable. Il n'en a sans doute pas le loisir. C'est épatant, on ne comprend pas la moitié de ce qu'il dit. Rassurez-vous, madame, je vous interrogerai aussi tout à l'heure. Vous m'interrogerez? Oui, et je puis presque vous promettre que votre mari n'assistera pas à notre entrevue. Voilà bien du mystère pour une chose aussi simple. Pas aussi simple que vous voulez bien croire, madame. Mais c'est à vous, Josépha, que nous devons tous ces ennuis. Bah, il paraît. Josépha, avant qui je suis contre. Mais moi, j'ai rien fait de ce qu'on m'accuse, monsieur le juge. Bien, monsieur, vous restez en vie, accompagnez madame Beaurevert, je vous prie. Combien de temps vont-ils vous me faire attendre? Je ne sais pas exactement, madame. Supposez que vous avez manqué votre tour chez le coiffeur. Ah oh. La justice, quel vain mot! Bon, puis-je m'asseoir? Je suis recrue. Oui, je vous en prie. Allez, tiens, vous aussi. Excusez-moi, hein, simple formalité. Vos noms, prénoms et qualité. Alors, Beaurevert, Benjamin, banquier, rue de la Faisanderie, 112 bis. Mais monsieur Amélie, vous avez maigri, non? Et pas bonne mine non plus, ma pauvre Joséphine. Bah, c'est parce qu'on m'a pris la poudre et le rouge en faisant. Ah, moi, c'est parce qu'on m'a supprimé le whisky. Oh, mais monsieur doit être désolé, monsieur qui aime tant le whisky. Ça, j'en suis assez affecté, je vous le conseille, et ma sœur qui... Laissez-moi vous rappeler que vous êtes chez le juge d'instruction. Le fait ne m'avait pas échappé. Voyons, monsieur Beaurevert. Pouvez-vous me dire... m'expliquer... Ne vous troublez pas, je suis un garçon très simple. Ah oui, ça, j'en suis sûr. Savez-vous pourquoi Joséphe Alentenay n'a jamais quitté sa chambre le mercredi depuis la rentrée d'octobre? Nous laissons à nos gens licence complète d'user à leur guise de leur liberté hebdomadaire. Pourriez-vous parler plus simplement? J'aimerais, je ne sais pas. Il devait toujours nous répéter ses ordres 2-3 fois avant qu'on le comprenne. Y avait-il, monsieur, dans l'hôtel de la rue de la Faisanderie, quelque autre homme que la victime et vous? Non. La réponse est-elle assez simple? Nous avons pourtant la conviction que Josépha Lantenay avait un autre amant. Oh, Josépha! Que cet autre amant ne peut être que vous. Que dois-je répondre? La vérité. Je serais consterné que ma femme en fût informée. Mais j'espère qu'ils ne l'auront pas de lui faire savoir. Eh ben oui, là! Ah, il l'a déjà dit, monsieur! Mon restaurant. Ah, ben je l'ai même souligné, monsieur le juge! Où et depuis quand? Depuis septembre à Autry. Très intéressant. Merci, monsieur le juge. Bon, n'exagérons rien, hein. Septembre très austère à Autry. Alors, Marie-Dominique, c'est ma femme, est une espèce d'Amazone toujours à chevaucher par mont et par vaux avec un camarade à moi, monsieur Dazergue. Monsieur Dazergue. Un pauvre diable, un peu boiteux comme tous les diables, très bon cavalier cependant. Alors, je l'hébergeais, disons-le, hein, par une espèce de charité. Je vois. Alors, comprenez, j'avais à mes côtés à chaque heure du jour cette ravissante Cayette. Bah, vous savez ce que c'est que l'intuition féminine? Oui. Bah, c'est une chose que j'ai compris que je plaisais. Vous savez, messieurs, l'homme chasse la femme jusqu'à ce qu'elle l'attrape. Qu'ajouterais-je? L'occasion, l'herbe tendre... C'était dans la bibliothèque. Oui, bon, enfin, la chance ou le malheur, comme il vous plaira, a voulu qu'elle ait ciré ce jour-là le parquet de cette bibliothèque. 18 mètres sur 16, trop bien ciré, et elle a glissé. Et naturellement... Je dois la vérité de dire, messieurs, qu'elle ne porte presque jamais de sous-vêtements. Pas tout ça. Ah? Vos enquêtes sont très approfondies. Et vous n'êtes pas aussi collé-monté que le disait votre maîtresse. Quelle maîtresse? Bah, moi, monsieur. Ah, mais c'est vrai, ça. Tu es ma maîtresse. Bon, bah, pour la justice seulement, mais... Non, mais c'est cocasse, ah, oui. C'est un fait. Bah, c'est un fait. Bah, bon, moi, j'étais ma petite fleur des champs. Ouais, les fleurs des champs ne s'entrent rien, elles sont tout de suite. Avez-vous écrit à Joséphine Lantenay? Moi, jamais. Ah, L'inspecteur Collard est dans sa chambre, une de vos lettres. Ah bon? Et voici. Vous me la rendez, hein? Voici ce que vous lui écriviez. Petite Josepha, je rentre samedi, soyez prête, beau revers. Ça n'a rien de compromettant. Non. Bien que le soyez prête autorise diverses interprétations. Et il était à Paris pour 15 jours et il m'écrivait à moi. Ne vous agitez pas. J'étais si heureuse, mais si heureuse, pendant 2 jours, je me suis cru amoureuse du facteur. Êtes-vous rentrée samedi? Je suis rentrée. Mais naturellement, le soir même. J'étais prête. Marie-Dominique n'avait pas voulu quitter Paris. Ces 4 jours que vous m'avez donnés, je les oublierai jamais. Mais si, mais si. Mais jamais, Dieu sait que j'ai essayé. Et dès lors, vous vous êtes revu souvent? Oh, cette fille est plus attachante qu'on pourrait le croire. Enfin, il y a tout de même des moments que je suis emmerdante. Non, bah disons, bon, elle est jalouse, comme toutes les filles, sans éducation, mais c'est probablement parce qu'elle m'aime beaucoup. Et dès qu'il avait un embêtement, monsieur montait. Et vous montiez souvent? Tous les jours. Eh bien, Oustos. Oustos. Et vous gênez pas, Oustos? Oh, du tout. J'ai envoyé à l'autre bout de Paris chercher Poste Restante des lettres parfumées que je m'adressais à moi-même. C'est vrai, et monsieur l'a même plusieurs fois expédié en province. Il me plaignait tellement d'être amoureux et d'attacher autant d'importance à des lettres. Il était stupide, oui. Vous l'aimiez pas beaucoup? Non, je l'exécrais. Ah, avant ou depuis? Pardon? Je pense que monsieur le juge demande avant ou depuis moi. Ah, bien avant, bien avant. Bon, d'abord, il avait une tête de plus que moi, une belle tête de brute. Il sentait l'homme, taciturne, quasiment muet, une insolence confondante, il se découvrait que devant ses dames. Oh, j'avais bien envisagé de me débarrasser de lui. De vous débarrasser de lui? Enfin, de lui donner ses 8 jours. Mais rien qu'à l'idée qui emmènerait Josepha, j'y renonçais. Monsieur m'aime beaucoup plus qu'il croit. Vous êtes arrivé le premier sur les lieux du crime. Ah oui, oui. Vous croyez, vous n'êtes pas sûr? Ah si, si, c'est sûr, si, si, je suis arrivé premier, parce que ma femme est arrivée après. Et qu'avez-vous vu? J'ai vu. Josepha, au pied du lit, évanouie, et dois-je le dire, complètement nue. Oh, je suis très gênée. Très belle, d'ailleurs. Je suis bien bon. Alors, je me suis précipité vers elle. Oui, c'est un bon soir. Et j'ai été immédiatement rassuré. J'ai vu que sa gorge se soulevait régulièrement. Bah, c'est ce que j'ai de mieux. Et puis, je me suis approché d'Ostos. Qui était? Qui était au fond de la chambre, face contre terre. Et qui parlait? Oui, oui. Vous avez parfaitement compris ce qu'il disait? Je l'ai compris. Il s'exprimait donc sans difficulté? Oh, j'irai pas jusque-là. Et jusqu'où iriez-vous? Il a prononcé qu'une seule phrase, mais il a répété plusieurs fois. Or, c'est bon, j'ai compris. Voudriez-vous nous redire cette phrase, monsieur? Non! Pourquoi? Devant moi, pour qu'il prenez-vous. Merci, Josepha, vous comprenez bien. On peut coucher avec sa bonne et avoir du cœur. Monsieur Beauvert, je vous demande de nous redire cette phrase. Mais je vais vous la redire, mon ami Miguel, il répétait tout le temps, Josepha, pourquoi tu fais ça? Il croyait que j'avais tué pour sauver monsieur. On aurait été capable. Josepha Lantenay, avez-vous entendu Miguel Oustos prononcer cette phrase? Non, moi je répète ce que vous m'avez dit. Ah non! Moi je répétais ce que monsieur Beauvert avait dit. Parce que finalement, monsieur, vous êtes le seul à avoir entendu cette accusation. Pardon? Votre femme était-elle arrivée quand Miguel Oustos l'a prononcée? Je sais pas, je crois pas. C'est bien ce que je disais, vous êtes le seul à l'avoir entendu. Probablement. Vous auriez donc pu très bien vous dispenser d'en parler. En effet. C'était la vérité, non? C'était la vérité. Attendez, je ne comprends pas bien votre attitude. Vous êtes le seul à entendre une accusation qui peut perdre votre maîtresse. Ah non, moi, rien ne peut me perdre, je suis innocente. Et vous vous empressez de la répéter à l'inspecteur Collin. Je ne suis pas empressé. Puis quoi? Vous me reprochez l'état de la justice. Je m'étonne de vous voir accuser une fille qui vous aime. Mais monsieur a bien fait, c'est qu'il n'a rien à craindre. Et de l'accuser délibérément sur l'incontrôlable à propos d'un mort. J'aime pas beaucoup le mot incontrôlable. Je suis désolé, mais je n'en connais pas d'autres pour qualifier un propos qu'on ne peut pas contrôler. Et tout de suite que je l'ai inventé. Je n'irai pas jusque-là. Jusqu'où iriez-vous? Jusqu'à dire que vous auriez pu l'inventer. Non, mais écoutez-le. Vous savez qui vous parlez? Je vais jusqu'à prétendre que l'évanouissement de la petite et l'absence de votre femme vous permettait de prêter à Oustos tel propos qui vous semblerait utile. Utile? J'avais besoin de prêter à Oustos des propos qui me sembleraient utiles. Très utile, car plusieurs jours avant le drame, il avait soupçonné votre liaison. Non! Si, mais monsieur ne le savait pas. Je ne le savais pas. Ah, alors là, vous comprenez, monsieur. J'ai ici la déposition de Mme Marc Herbeau. Cette bonne marque. Quelques jours avant le drame, elle vous avait conseillé de rompre avec Josepha Lantenay. Vous lui avez répondu par une expression en principe assez éloignée de votre nature. Vous lui avez dit: que voulez-vous, ma bonne Marthe? Je l'ai dans la peau. Oh, mais pourquoi ne me le disiez-vous jamais à moi? Attendez, quelle raison aurais-je de faire à ma cuisinière une confidence pareille? Vous avez surfait. Oh, la chamelle. Et vous lui achetiez son silence 50 000 francs par mois. Quoi? Je vous ai gagné 50 000 francs par mois, moi? Je me trouvais mal. Elle s'est forcée de les gagner, d'ailleurs, parce qu'elle ne s'est pas contentée de vous conseiller de rompre. Elle a justifié son conseil en vous disant: monsieur devrait se méfier de Miguel. Je m'en souviens pas. Vous ne vous en souvenez pas? Non. Ça, c'est la mémoire, hein, parce que moi aussi, avant, j'avais de ces trous. Maintenant, heureusement, je me souviens quand j'ai oublié quelque chose. Si seulement je pouvais me souvenir ce que j'ai oublié. Vous aimez beaucoup cette façon qu'a Alain Cuffet de vous défendre? Oui, elle me défend, moi qui l'accuse. Je trouve ça assez beau. Merci, Josépha. Mais de rien, monsieur Dorian. Donc, vous ne vous souvenez pas d'avoir été mis en garde par Marcel? Absolument pas. Vous ne pouvez par conséquent pas vous rappeler de lui avoir dit « s'agit pas de frapper le premier, de frapper fort ». Par conséquent, non. Ni d'avoir ajouté « la Navaja n'est pas une arme aussi sûre que le revolver ». C'est bouffon. Mais vous savez ce que c'est que le fourneau, ça monte à la tête des cuisinières, c'est bien connu. Alors ces phrases-là, Marthe Herbois peut très bien les avoir inventées, il n'y avait pas de témoin non plus. Hein. Un mot encore et je vous fais sortir. C'est vrai, mais pourtant pas de témoin. Vous n'êtes pas toujours aussi heureux. Et votre conversation avec M. Guillaume Anceny en a eu plusieurs. Ah, mais salaud! À la bonne heure! On commence à parler comme tout le monde. Vous avez interrogé Anceny? Non, il a tenu à témoigner spontanément. Et Anceny, celui qui a eu ma Oui. Avant votre brouille, une nuit au cercle volné, vous lui aviez confié que vous avez...